J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, à 14h en direct de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, à notre menu, grand voyage, très grands objets, galaxies, espace interstellaire, vide, plein, merveille du cosmos, c'est le sous-titre d'un ouvrage qui s'intitule « Le Sahara vient des étoiles » et qu'a écrit Jean-François Beckhardt, astrophysicien. Mais évidemment, sans rien changer, nous allons conserver notre habitude avec la chronique animalière. Pour cette chronique animalière aujourd'hui, je retiens les serpents. Du moins, certains d'entre eux. Les serpents qui volent. Les forêts d'Asie du Sud-Est, zones de résidence des Kyros Pelea, sont plantées de grands arbres, espacés les uns des autres. Ces forêts sont peuplées de différents animaux capables de contrôler leur saut. Les lézards, les serpents, certains mammifères. Les Chrysopelea, eux, semblent parmi les plus doués. Des vols planés d'une centaine de mètres, effectués depuis les cimes arborées. Depuis que Jake Sokin, professeur de sciences, de l'ingénierie et mécanique à l'université Virginia Tech en Virginie, a découvert les serpents volants, il n'a eu de cesse de comprendre ce qui leur permettait de planer dans les airs malgré une anatomie apparemment totalement inadaptée. En observant attentivement cette espèce Chrysopelea, qui mesure jusqu'à 1 mètre de long pour moins de 100 grammes, il s'est aperçu que la surface ventrale du reptile se creusait en forme d'arche lors du vol. Alors il a modélisé ce profil particulier, rappelant pour certains des soucoupes volantes, pour en examiner les propriétés aérodynamiques. Pour reproduire le vol du serpent dans l'air, ce chat donc a réalisé un prototype linéaire en plastique de section identique à celle identifiée pour notre serpent volant. Il l'a immergé dans une cuve traversée par un flux d'eau dont la vitesse était contrôlée. Par inclinaison, il lui était possible de faire varier l'angle d'attaque du profil et de mesurer les variations de portance. Pour des angles situés entre 200 et 400, la portance restait correcte, mais c'est à 35 degrés. Que le chercheur a révélé une valeur particulièrement élevée. Cela confirme les suppositions qu'il avait, ce Jake Socha. Même si la forme cylindrique et longiligne de leur corps semble totalement inappropriée pour glisser dans l'atmosphère, les serpents volants réussissent à optimiser leur profil par des contractions musculaires allant de la tête à la queue. Néanmoins, bien qu'il soit difficile d'obtenir des données précises dans la nature du fait de la complexité du mouvement de cet animal, ce chat estime que la portance observée dans la réalité devrait être bien plus élevée que ce que montre son expérience. L'étude a donc mis en évidence le fait que le profil du serpent lui confère une bonne capacité aérodynamique, mais ça ne résout pas tout. Il y a un élément qui rend la performance encore plus importante, comme on l'a dit, dans la nature. Une première hypothèse proposée par une autre équipe met en cause l'analyse en deux dimensions qui ne permettrait pas d'intégrer tous les facteurs entrant en jeu. Une autre consiste à dire qu'ici, le reptile est considéré statique, alors qu'il est franchement dynamique. Les ondulations de son corps engendrant des vibrations de l'air qui pourraient, elles, ces vibrations de l'air, interagir entre elles. Bref, cette aptitude est donc un avantage évolutif certain pour notre serpent volant. Reste exactement à comprendre laquelle elle est, cette adaptation positive. Bonjour Jean-François Beckhardt. Stéphane Delégeur, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Merci pour eux. On va pas prendre les serpents pour s'envoler dans les endroits qui vont nous intéresser, bien évidemment, les serpents volants. Très belle mythologie sur les serpents. Ah, il y a beaucoup de serpents dans les mythologies, non? Alors justement, vous parlez de serpents et vous parlez de mythologie. Vous avez fait un livre que je dirais biface d'une certaine manière, c'est-à-dire que, et ça va être l'objet ou le fil conducteur, notre fil rouge à nous, puisqu'il y en a plusieurs qui s'entremêlent dans votre ouvrage, c'est de l'astrophysique pure. On va décrire les galaxies, leur type de galaxies, leur forme, ainsi de suite, leur naissance, leur mort, leur explosion. Et un second fil, qui est tout ce qui appartient aux mythologies, tout ce qui appartient aux théogonies, tout ce qui appartient donc à un certain nombre de cultures locales qui ont imaginé donc la nature des cieux, puisque l'homme, je pense, depuis qu'il est homme, regarde le ciel avec intensité. Tout à fait. L'idée effectivement de ce livre était de faire une sorte de plan séquence, un travelling vers les grandes vastes structures de notre cosmos en partant des étoiles, donc une immersion dans un océan. Et l'idée était effectivement d'écouter la voix de nos ancêtres très régulièrement, d'abord parce qu'elle est très belle, qu'elle est émouvante. Alors, on peut peut-être dire d'abord qu'on va confirmer le titre, puisqu'il est énigmatique ce titre. Tout à fait. Hein. Le Sahara vient des étoiles bleues, qu'est-ce à dire ? C'est beau. Ah, je vous remercie. Alors, le titre, effectivement, l'ensemble du livre part sur le principe de s'émerveiller. Alors, et donc de nous remettre en phase avec notre lien primaire avec le cosmos. Bon. Ce titre rappelle cela, c'est-à-dire que les éléments naturels, dans leur grande majorité, proviennent des étoiles. C'est-à-dire que des étoiles ont fabriqué ces éléments, les ont diffusés en explosant, et un jour, un système solaire se crée, ils sont déjà là. On va en rester là, dans cette définition, simplement rappeler d'un mot que notre étoile à nous, le Soleil, donc, n'arrête pas de faire de la fusion, absolument, n'arrête pas de combiner des éléments qui sont donc, on peut dire que la nucléosynthèse, pour parler avec un terme de physicien ou d'astrophysicien, c'est quelque chose qui est tout à fait permanent. On va voir les différents types, les différents moments. Revenons un instant sur cette manière qu'ont eu les hommes. Et là, c'est très très agréable, bien sûr, à lire. C'est la formation des constellations, parce qu'on est habitué à en parler. On dit dans la constellation du Lion, là, celle de la Vierge, ainsi de suite. Mais très tôt, donc, ils ont, les hommes, repéré, à regarder. Alors, ceux qui ont fait l'expérience, par exemple, d'être couchés dans le Sahara, sur le dos. Oui. Bon, là, c'est pléthore d'étoiles filantes, c'est folie. Mais il y a des régularités. Alors, comment est-ce qu'on peut définir une constellation qui a beaucoup aidé? Parce que après, un navigateur, un mec, quelqu'un qui marche dans le désert, j'allais dire un mec perdu dans le désert, il se guide avec les constellations. Alors, il va se guider. Les explorateurs et les navigateurs utilisent en partie l'étoile polaire. C'est l'étoile qui est la toute dernière de la petite ours, qui ressemble à une petite casserole dans le ciel, qui tourne en hélice, comme disaient nos ancêtres grecs, qui l'appelaient Héliké. Et cette étoile polaire figure le nord géographique. Donc, si un jour, un auditeur est perdu dans le Sahara ou en mer, il faut trouver l'étoile polaire grâce à la grande ours d'abord et puis la petite ours après. Et cette étoile vous indique le nord géographique, tout simplement. Oui. C'est pas mal. Ça peut être une aide. Ça peut servir. Ça peut être une aide tout à fait réelle. Alors, on peut peut-être se proposer. Est-ce qu'il y a autre chose à dire qui soit important dans cette manière d'organiser le ciel? D'un mot, là encore, avant alors de passer à autre chose. Une thèse que je trouve très intéressante, que j'ai lue assez récemment, consiste à dire que l'ensemble panthéon des civilisations, par exemple, grecques, les anciens dieux grecs, et leurs histoires, grande partie, la théogonie d'Hésiode, proviendrait de la forme des constellations. C'est une idée que je trouve très jolie. C'est-à-dire que la forme des étoiles brillantes, puisque c'est ça une constellation, aurait aidé l'imaginaire humain à se mettre en place et à imaginer donc des histoires à partir des dessins géométriques. Notamment pour la constellation d'Orion, une des plus belles du ciel, l'image du chasseur proviendrait de la forme même de la constellation, et l'ensemble de la légende associée provient donc de cette constellation. Une thèse qu'on retrouve aussi en Égypte, hein, puisque le panthéon égyptien proviendrait directement de la forme des dessins. Alors passons maintenant, petite précision juste avant que je vous pose la question, on peut voir 1800 étoiles à l'œil nu. Oui, tout à fait. On lit parfois un chiffre plus élevé dans la littérature, on peut trouver facilement 3000. Il faut des yeux extraordinairement bons pour 3000 étoiles. 1800 correspondent à des conditions de planétarium, c'est-à-dire des conditions idéales, sans pollution lumineuse, sans nuages et bien sûr sans lune. Et avec des très bons yeux, on peut voir 1800 étoiles dans une voûte, donc à peu près autant de l'autre côté. Avec son acuité visuelle, on peut imaginer que Galilée les voyait, parce qu'il a une telle acuité dans sa manière. Ouais, oui, c'est clair qu'il devait les voir. Alors, passons du côté maintenant pour de la science nucléaire, on va dire de la science atomique. Ce que vous appelez les forges de la nucléosynthèse, parce que vous avez des formes qui sont... vous avez des mots et des phrases qui se laissent aller une dimension, on va dire, de poétique. Tout à fait. L'idée est d'être dans l'onirique, puisque ça fait partie de l'émerveillement, à mon sens. Donc, les étoiles... C'est plus je lis des choses sur elles et plus je suis émerveillé. C'est des objets tout à fait extraordinaires. Il faut voir, ce sont des équilibres naturels, et parmi les plus beaux de la nature, un équilibre permanent entre un effondrement dû à leur masse et une dilatation des gaz chauds. Donc, heureusement, les gaz se dilatent, ça permet d'avoir des étoiles, sinon naturellement, une étoile est un trou noir. Le fait qu'elle rayonne, c'est d'abord en partie parce qu'il y a une dilatation du gaz et qu'au centre, il y a un doux phénomène, cette dilatation du gaz provient d'un mécanisme de génération de chaleur. C'est la fusion dont vous parliez tout à l'heure, qui fait incidemment des éléments naturels. Donc on est dans une configuration miraculeuse où on a d'un côté quelque chose qui rayonne, des photons qui proviennent de réactions nucléaires par lesquelles il y aura des éléments naturels qui se forment. Voilà, nous avons un exemple. Et ça prend du temps parfois, hein, pour monter à la surface, hein, et alors, se sauver. Hein. Passons. Oui, c'est effectivement une jolie chose que les gens ne connaissent pas assez. Effectivement, la lumière du soleil, des étoiles, effectivement, provient de leur cœur et parfois met des dizaines de milliers d'années à arriver à leur surface. C'est-à-dire que le soleil que vous voyez à travers votre fenêtre ou depuis votre voiture a en fait en moyenne 20 000 ans et non pas quelques minutes lumière qui est la distance qui nous sépare à lui. Parfois, parler des hommes du néolithique. Parfois, vous parlez même plus encore de Homo erectus. Enfin, bon, bref. Alors, tout le monde connaît à peu près le principe de la fission, bien évidemment. Hein, c'est donc, le central, oui. C'est évidemment ce qui est dans les centrales. Et c'est un phénomène de désintégration de noyaux atomiques particuliers. Oui. Dans la fusion, c'est tout à fait l'inverse. On essaye de la reproduire. D'ailleurs, malheureusement, on n'y arrive pas pour l'instant. Hein. Il y a un gros dispositif à cadrage pour qu'on y arrive un jour. Mais il s'agit là, cette fois, d'une situation où deux éléments donc vont fusionner et ça va produire une énergie considérable et on va avoir à ce moment-là tout à fait et on va avoir un élément naturel supérieur. Peut-être que l'auditeur se rappelle des tables de Mendeleïev qui sont dans la plupart des classes de seconde. On a 92 éléments naturels à partir de l'hydrogène tout premier qui est extrêmement abondant dans l'univers et qui provient du cosmos originel, hein, du juste après le Big Bang, fabrication de l'hydrogène et de l'hélium. Et ensuite, 1 milliard d'années plus tard, à peu près, viennent les premières étoiles. Et effectivement, les atomes sont faits des toutes petites billes à cette échelle-là. Les noyaux d'hydrogène se collent, certains les uns les autres, et forment de l'hélium. Le deuxième élément, l'hélium lui-même va s'accoler pour former du béryllium. Et ainsi de suite, le carbone, 6e élément, l'oxygène, le 8e, le silicium, du sable, d'où le titre. Tiens. Le 14e, il est là, vois venir. Jusqu'au fer. Et après, au fer, il se passe quelque chose de très spécial, et peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Oui, espérons. 92 éléments, d'accord. Naturel, en tout cas, hein, parce naturel. Que la table continue. Simplement par indication, on peut rappeler qu'il y a des transuraniens, donc on peut, par des moyens physiques très particuliers, faire des éléments qui n'ont pas d'existence dans la nature, comme l'élément, je crois qu'on en est au 118 ou au 119 aujourd'hui. C'est ça, les éléments instables, effectivement, totalement qui n'existent pas dans la nature. Qui désintègrent très très vite. Tout à fait. Alors, si maintenant on en vient à cette nucléosynthèse, il faut voir qu'elle a trois grandes voies, trois grands types, trois moments d'ailleurs aussi, on pourrait presque dire, dans la formation donc des noyaux d'atomes. Petit rappel, là encore, les noyaux d'atomes, la façon la plus simple de les voir, c'est de les voir composés de neutrons et de protons. Tout à fait. Si on descend d'un cran, on va trouver des quarks. Là, on va pas rentrer dans cette ménagerie des quarks qui sont compliqués. Et donc, un est chargé, l'autre pas. Et donc, voilà, il y a des électrons qui tournent autour sur des orbites bien particulières pour former donc un atome complet. Voilà. Tout à fait. Alors, nucléosynthèse, c'est la nucléosynthèse primordiale. Quand vient-elle après le moment de singularité, la grande explosion? Alors, elle vient un peu de temps après. Elle a lieu à peu près aux alentours de 2 minutes, 1 à 2 minutes, jusqu'à 15 minutes. Il faut voir que c'est assez spectaculaire comme temps. C'est-à-dire que le cosmos, dans son ensemble, a fabriqué tout l'hydrogène à partir duquel se sont formées l'ensemble des étoiles dans l'ensemble du cosmos en quelques minutes. Oui. Le reste, c'est de l'hélium. De l'hélium, voilà. Très léger, et après, très léger. Après, le cosmos s'est dilaté trop vite, il a refroidi trop vite, et donc, eh bien, les accolages d'atomes se sont arrêtés, le cosmos était déjà trop froid. Oui. D'où la chose qu'on sait depuis seulement 60 ans, hein, c'est que l'ensemble des atomes après le carbone provient nécessairement des étoiles. Oui. Le moindre atome de carbone dans l'univers provient d'une étoile, il faut le dire et le redire. Et vous appuyez sur la table pour le dire. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Alors, suite donc de cette conversation avec Jean-François Beckart concernant donc la nucléosynthèse, nous n'en avons vu qu'une. Il y a eu un moment quand même où c'était une soupe de quark. Hein. Il y a eu un moment bref où c'était une pure soupe, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que là, la température était trop élevée pour que s'organise de cette façon. Et puis après, il faut attendre cette chose, cet épisode de 300 000 ans qui va laisser une marque du moment où l'univers va devenir transparent à la lumière. C'est-à-dire que cette bagarre incessante, cette espèce de purée de poids de quark, va arrêter de s'agiter, va se calmer, cette soupe-là. Et donc, là, l'univers va devenir un petit peu transparent pour, puisque à chacune des réactions, tout à fait, et c'est à peu près le même mécanisme finalement que la lumière des étoiles. C'est-à-dire que les photons, c'est-à-dire les petits grains de lumière, ricochent sans arrêt sur les particules, les autres particules élémentaires qui sont là, cette soupe dont vous parlez, que vous évoquiez, et quand cette soupe est suffisamment peu dense pour les laisser enfin sortir, c'est ce qu'on appelle le rayonnement. Et une étoile, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que des réactions de fusion qui ont lieu dans son cœur, des photons s'échappent, mais ricochent, d'où le fait qu'on souligne tout à l'heure que la lumière, finalement, était plus âgée qu'on qu'on imagine. Pour le cosmos primordial, effectivement, à 380 000 ans, il a une température suffisamment basse, de l'ordre de 3000 degrés Kelvin, pour être suffisamment peu dense et laisser sortir la lumière. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. À 3 degrés K. Exactement. Très bien. Alors, second type de nucléosynthèse, elle est interstellaire. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle est entre les étoiles. Hein. Oui. Et elle va arriver par une chose qui... Il n'y a que des choses merveilleuses, hein, mais les particules cosmiques sont des diables qui arrivent avec des puissances considérables qu'on n'arrive absolument pas à faire équivaloir sur Terre dans nos dispositifs les plus sophistiqués. Alors, ces particules, donc on commence à deviner l'origine, forment de la nucléosynthèse. C'est effectivement une forme de nucléosynthèse qui est relativement peu importante. J'allais dire qu'elle est, c'est une nucléosynthèse rétrograde, c'est-à-dire que elle va casser des éléments qui ont été fabriqués du style 6e, 7e, comme le carbone, ou des éléments un petit peu avant. Et c'est un peu une forme de fission. On appelle ça nucléosynthèse parce qu'elle forme des éléments, mais finalement, en en cassant d'autres. Oui. C'est-à-dire en les amoindrissant. Et c'est une nucléosynthèse qui a un rôle relativement minoritaire dans la fabrication d'éléments, par exemple, comme le carbone. Oui. Le carbone provient des étoiles essentiellement. Et... C'est ce que vous appelez la spallation. La spallation. C'est l'autre mot pour parler de cette forme, effectivement, que les rayons cosmiques casse certains noyaux en noyaux plus petits et donc forme, d'une certaine manière, des éléments naturels. Et nous voilà à la troisième. La plus importante. Qui fait qu'on a par exemple des atomes de fer. Notre cœur, et dans notre système hémodynamique qui sans arrêt tourne et tourne. Tout à fait. Diastole dans notre corps. Alors, on disait par rapport au titre, effectivement, le silicium, le 14e élément, est fabriqué dans des étoiles particulièrement lourdes, d'où le titre. On peut faire peut-être une toute petite digression pour expliquer aux auditeurs les trois grandes gammes d'étoiles. Les étoiles se diffusent globalement, majoritairement, en toutes petites étoiles d'une fraction de la masse du Soleil, qui sont des étoiles rouges, peu rayonnantes, et qui fabriquent virtuellement rien. C'est-à-dire l'hélium, le deuxième élément. Elles n'ont pas assez de chaleur et pas assez de masse. Et puis, des étoiles un peu plus grandes, comme le Soleil, par exemple, on va dire jaune. Et pour finir, des étoiles très massives. Et là, elles ont une couleur bleue. Et si vous faites attention, vous suivez que le rouge, le jaune et le bleu, c'est la couleur du chalumeau en montant en température. Oui, absolument. Donc, elles ont des températures de surface, ces étoiles, donc chaudes, et donc elles rayonnent dans le bleu. Elles sont très rares. Une étoile sur un million est une étoile massive bleue. Et c'est les seules capables, véritablement, de fabriquer des éléments comme le silicium. D'où le titre, c'est rare. Notre sable, une poignée de sable sur la plage, provient d'anciennes étoiles massives bleues, forcément. Ça ne peut pas venir d'autre chose. Et là, c'est une sorte, vous avez ce mot de four alchimique, pourquoi ? Parce que c'est fantastique. Une étoile prend un élément simple, l'hydrogène, et puis s'organise pour le combiner, pour fabriquer, appelons-le de l'or alchimique, tous les éléments naturels à partir d'un élément naturel simple. Et on peut le voir effectivement comme chaque élément est une combinaison du précédent. Ça ressemble fortement à l'athanor alchimique. Oui. Alors revenons à notre étoile, le Soleil, son rayon 700 000 km. À partir de là, on peut calculer son volume. Et avec la masse que l'on obtient du Soleil, on peut calculer sa densité moyenne. Vous dites que c'est un litre de Soleil est égal à 1,4 kg. Légèrement supérieure à l'eau. Oui, effectivement, du coup, ça donne la densité moyenne qui nous fait penser à l'image de d'eau lumineuse. On pourrait l'imaginer. On va avoir maintenant, on va approcher lentement, évidemment, de l'or mort, parce que l'or mort est, si je peux dire, d'importance. Oui. En particulier, donc, pour qu'on se retrouve avec des éléments qui ont été synthétisés après le fer. Donc, grosso modo, d'abord, on peut dire que les étoiles se définissent entre deux formes, grosso modo, celles qui sont vraiment sphéroïdes ou des sphères. Effectivement, les étoiles tournent sur elles-mêmes. Très vite, souvent. Tout tourne dans l'univers, finalement. Bien sûr. Et donc, elles ont un moment angulaire, elles tournent sur elles-mêmes, ce qui les aplatit, comme d'ailleurs la Terre est légèrement aplatie, elle aussi. Et elles sont, étant liquides et relativement peu denses, elles sont plus ou moins aplaties. Effectivement, certaines étoiles sont fortement oblongues. Après, dans la vie et la mort donc des étoiles, il y a globalement 5 façons pour une étoile de mourir, et ça dépend entièrement de la masse de l'étoile. Parfois, il y a des échanges entre les étoiles de masse. Allez, 5 façons. Étonnamment. Je trouve que c'est absolument passionnant de bien les caractériser. Alors, ça dépend donc. Si on reprend le pronom donc dans l'ordre des toutes petites étoiles, qu'on appelle des naines brunes et qui fusionnent à peine de l'hydrogène, qui sont peu rayonnantes et qui sont très majoritaires dans les étoiles. Elles sont invisibles dans le ciel. On ne les voit pas. Elles restent virtuellement comme cela. Elles n'ont pas de mort particulière. Et elles vivent très longtemps, des centaines de milliards d'années. Après, si vous prenez des étoiles de la gamme de petites étoiles rouges, celles-ci vivent entre environ 100 à 200 milliards d'années, fusionnent de l'hélium, encore une fois, et pas un élément. Ça s'arrête. Et elles s'arrêtent là. Qui frappe. Et ensuite, on passe au Soleil. Et le Soleil, lui, va terminer d'une manière très joli, du moins pour les futures générations qui le regarderont, puisqu'il terminera en nébuleuse planétaire. Vous savez, ce sont les très belles images astronomiques qu'on peut voir, de très, très irisées, plein de couleurs. Par exemple, typiquement la nébuleuse de la Lyre en forme d'anneau, ou nébuleuse du chat, il y en a beaucoup. Et ça correspond à l'expulsion de ces enveloppes de gaz. Et au centre, il reste un résidu qu'on appelle une naine blanche, dans lequel il n'y a plus de fusion, et qui est véritablement de la cendre à très haute température. Enfin, la quatrième façon pour une étoile de mourir, c'est pour les étoiles qui commencent à être maintenant très lourdes, supérieures au Soleil, donc bleues, déjà bleutées. Elles terminent en supernova, c'est-à-dire qu'elles explosent. Elles ne tiennent plus leur structure, la gravité l'emporte, elles vibrent de partout, et donc explosent en une fraction de seconde. Et elles terminent en ce qu'on appelle pulsar. Donc une étoile à neutrons, c'est-à-dire que le cœur est conservé, l'extérieur, les enveloppes extérieures sont rejetées et forment par exemple la nébuleuse du crabe typiquement. Et donc le pulsar est une étoile en très haute rotation sur elle-même, un résidu en haute rotation. C'est un chronomètre formidable. Stable, fabuleux, puisque c'est même plus stable que nos horloges atomiques. Alors pour toute dernière façon, la cinquième, les étoiles les plus massives, qui elles terminent donc aussi en supernova, mais qui finissent en trous noirs. Et vous avez donc là l'origine des trous noirs. Les trous noirs proviennent de ces étoiles particulièrement massives. Il n'y a pas d'autre façon, on n'en connaît pas d'autres dans l'univers. Donc un trou noir est une ancienne étoile massive, une sur un million, je vous rappelle, les étoiles très bleues, très massives. Voilà, c'est la fin. Et donc, pour les éléments naturels, au-dessus du fer, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est autre chose qui se passe, c'est plus de la fusion. Ce qui se passe, c'est qu'en explosant, les températures montent énormément, qu'il y a des bouffées de neutrons qui sont émis, qui sont captés par exemple, le silicium, qui se retransforme en fer. C'est un deuxième fer. Oui, oui. Et ensuite, les éléments au-dessus, le nickel, par exemple, ou bien jusqu'à l'or, le 72e, ou l'uranium, 92e, provient de ces fractions de secondes, où l'étoile, dans son explosion, émet des bouffées de neutrons. Le neutron se colle au noyau, se transforme en proton, un peu de l'alchimie aussi, et ça le fait sauter d'une étape dans le tableau des éléments naturels. Le fer devient, quasiment alchimiquement, du nickel, par exemple, etc., etc. Et donc, on a un concept de deuxième fer. C'est-à-dire que le premier fer fabriqué en nucléosynthèse calme, tranquillement par l'étoile toute sa vie, il disparaît. Il est photodissocié, il devient l'étoile à neutrons dont je parlais tout à l'heure, pulsar. Et en fait, donc, la question d'où vient le fer, d'où viennent les globules rouges dont vous parliez tout à l'heure, chargés en fer, ils proviennent de ce mécanisme de supernova uniquement. C'est-à-dire que le moindre objet de fer autour de vous, la moindre voiture, provient d'une supernova, c'est-à-dire le moment où le silicium se transforme en fer en une fraction de seconde par une étoile très massive, quelque part dans le cosmos. Donc c'est pour ça qu'on va répétant que nous sommes les enfants des étoiles. Et même des supernovas. Plus précis, bien sûr. Mais vous avez raison. Alors, il y a quelque chose qu'on peut remarquer rapidement. Alors, première remarque, vous l'a donné, c'est une image que j'avais jamais lue, et tout à fait étonnante, c'est que la totalité de l'or extrait sur la Terre forme un misérable petit cube de 24. Une vingtaine de mètres, si on prend en compte les réserves estimées, alors c'est l'or qui est effectivement, qui est d'origine météoritique d'ailleurs, puisque l'autre or est dans le centre de la Terre, il est trop dense, il est dans le magma. Mais l'or qu'effectivement qu'on prend là, à la surface de la Terre, eh bien, on pourrait le mettre effectivement dans un cube d'environ 25 mètres d'arête. Et c'est le grand mystère. Ça a été un mystère jusqu'à récemment. Ça l'est encore toujours relativement. C'est-à-dire que l'explication de l'abondance des éléments naturels, dont l'or, par le mécanisme des supernovas, n'explique pas. Même pourtant, c'est 20 mètres. Cette présence-là, même ce cube est tout petit. Oui. Mais ce cube, on n'explique pas. C'est-à-dire que une supernova ne fabriquerait, on va dire, qu'un seau. Et donc, il manque beaucoup pour expliquer ça. Et récemment, un mécanisme a été proposé grâce à des simulations numériques. Qui propose que l'or proviendrait de la collision d'étoiles à neutrons. Donc les étoiles à neutrons, je vous rappelle que c'est des restes de supernova. Parfois, les étoiles, même en majorité, les étoiles orbitent les unes autour des autres. Et donc, bien certaines finissent donc par finir leur combustion, se transformer en étoiles à neutrons, s'écraser l'une sur l'autre, ce qui réactive ce processus de diffusion de neutrons et la fabrication de l'or. Et c'est extrêmement rarissime. Juste pour vous donner une idée, je vous avais dit qu'une étoile sur un million était une géante bleue. Eh bien, il faudrait qu'une autre géante bleue orbite autour de cette première. Oui. Et que les deux, en terminant leur combustion, s'écrasent l'une sur l'autre. Oui. Voilà. Et là, on a le lingo qui peut apparaître. Et là, voilà, c'est ça, exactement. C'est suivi, c'est précédé par l'argent. Oui, il y a toute une gamme. C'est le 72e élément, l'or. Ouais. Entre le 26e, le fer, 72e, toute cette gamme d'éléments, eh bien, provient d'un mécanisme de soit lent, soit court, d'émission de neutrons, qu'on appelle des processus rapides ou lents, et qui sont associés à des supernovas. Une manière de résumer, de faire un petit récapitulatif de toutes ces choses, Jean-François Beckhardt, c'est de dire que il y a une espèce de sorte de densification. Si on prend la formation des étoiles, c'est simplement l'agrégation de plus en plus dense de particules de gaz interstellaires. Oui. Qui vont donc se concentrer et puis, par la force gravitationnelle, se concentrer encore et former donc une étoile. Et si on regarde le destin de chacune d'entre elles, vous avez parlé des naines brunes, c'est les petites là, oui. De l'affaire, mais il y a une densification de masse pratiquement systématique. Il peut être de formes différentes, une étoile à neutrons, mais c'est vertigineusement pesant. Tout à fait. Donc c'est une concentration d'énergie absolument immense si on fait équivaloir la masse et l'énergie. Est-ce qu'on peut dire un mot? Pourquoi le destin des étoiles est de devenir de plus en plus petite, de plus en plus dense? Alors le un mot seulement. La rotation, le moment angulaire, c'est-à-dire qu'une étoile naît en général, par exemple, dans le milieu interstellaire, une étoile explose, par exemple. Donc elle envoie une onde de compression. Les grands nuages d'hydrogène interstellaire sont là, ils sont poussés, et dans la zone dans laquelle ils sont poussés, des grumeaux de matière s'agglomèrent et finissent par s'effondrer sur eux-mêmes, puisque la gravité là joue pleinement son rôle. L'expansion de l'espace, c'est à des échelles bien supérieures. La gravité joue pleinement son rôle jusqu'aux échelles de millions d'années-lumière. Et donc, à partir de là, eh bien, il faut voir vraiment une étoile comme une sorte de petit puits d'effondrement local, de petit vortex, à partir duquel la matière se densifie. Et puis donc, commencent les réactions de fusion nucléaire qui font que l'étoile se met à briller. Et ben voilà, passé le mi-temps, interstellaire, d'une certaine façon, de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Jean-François Beckhardt, avec le Sahara, qui vient des étoiles. On a commencé à comprendre que ce Sahara, ce grand désert de sable, le plus grand du monde, vient de ces explosions. Alors, il se trouve que par il y a pas de cohérence, mais par au contraire même peut-être l'aléatoire des sujets retenus, les deux précédents étaient l'un plus exactement sur des points avancés de la recherche en astrophysique. Par exemple, comment comprendre que cette homogénéité du départ après donc l'univers primitif. On va faire le distinguo d'ailleurs auquel vous tenez. Quand on parle de cosmos, on parle de ce qui est observé. Oui, quand on parle d'univers avec un petit U, c'est synonyme de ce qui est observé. Et si on met un grand U, je tremble. Je pense qu'il faut effectivement donner des mots clairs, sinon j'ai pu constater que les gens se perdaient dans les différents concepts de cosmos, d'univers observable, d'univers, etc., avec petit U ou grand U. Alors disons les choses comme cela. Ce que l'on voit autour de nous, et nous sommes artificiellement au centre, nous sommes donc autour d'une étoile de la galaxie Voie lactée, on regarde partout autour de nous jusqu'à la lumière la plus vieille qu'on puisse voir et qu'on arrive à dater à environ 14 milliards d'années. Et cette boule d'information, eh bien, s'appelle le cosmos. Le contenu s'appelle le cosmos. Au-delà de ce cosmos, bien entendu, l'espace et le temps continuent, évidemment. Jusqu'où on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le cosmos étant tellement plat en apparence, il est possible que ce contenu du cosmos soit immense. Et ça, on va l'appeler l'espace-temps. Et il faut peut-être le visualiser sous la forme d'une espèce d'enveloppe ou de nappe contenant notre petite boule de cosmos. Et la question est parfaitement ouverte de savoir s'il y a d'autres espaces-temps, des collections d'espaces-temps qui formeraient un mot qui est devenu à la mode, qui s'appelle des multivers. Et nous n'irons pas plus loin, puisqu'on pourrait y consacrer une émission entière. Ce qu'on ne manquera pas de faire, on a commencé le feuilleton, on le continuera. Mais simplement pour terminer ma remarque, c'est que jusqu'ici, donc, on s'est intéressé récemment, j'entends, à la matière noire, à la matière, à l'énergie noire. Oui, parce que notre invité tenait à la dénomination de matière sombre, et pas noire. Il lui fallait quelques grisés. Bon, on a compris d'ailleurs ses arguments. Ou alors, avec Joe Silk, de comprendre ces ondes primordiales gravitationnelles qui seraient l'indice, justement, par rapport à cette espèce de chose ou de cet espace parfaitement lisse, où il ne se trouve aucune singularité, aucun point, aucun grain. Comment se fait-il qu'au bout d'un moment s'agrège un certain nombre de choses qui vont finir, eh bien, par donner des galaxies? Je vais vite, je prends la nôtre, par souci de raccourci, malheureusement, le temps passe vite. Alors, si on regarde la nôtre, d'abord, c'est une spirale. Alors, on va elle a un bulbe. Partons là-dessus. Allez. Elle a un bulbe, elle a vraisemblablement deux bras. Et non, ça n'est pas une devinette sur quel animal est-ce, mais c'est une galaxie spirale. Et c'est d'ailleurs, vous pouvez le soir voir que nous sommes à l'intérieur, puisque la Voie lactée, vous la voyez sous la forme d'une bande étroite. C'est donc que nous sommes à l'intérieur même du disque. Et nous sommes donc une galaxie spirale qui comporte environ 250 milliards d'étoiles. C'est environ, ça ? Oui, bon. Et qui est une galaxie parmi un grand nombre. Si vous me laissez l'opportunité d'utiliser une image, disons que le cosmos est une mer, qu'une galaxie comme la nôtre est une île, et que ça s'organise. Il y a les îles autour de notre île, il y a d'autres îles, appelons-le un chapelet d'îles, par exemple, ou un atoll, et ce qu'on appellerait le groupe local, donc une petite tribu. Mais on va remonter. Mais restons quelques instants sur la nôtre. Bien sûr. Donc elle a un bulbe, on serait possiblement sur l'un des bras. On est sur le bras d'Orion, on est même juste tout au bord. C'est-à-dire que si le bras d'Orion est une vallée, c'est-à-dire qu'elle descend, que la matière descend, le gaz et les étoiles, eh bien nous sommes au bord du bras d'Orion, c'est donc le début de notre adresse cosmique, effectivement. Ouais. Soleil, bras d'Orion. Alors si, parce que là encore, j'ai appris que le Soleil avait un mouvement ascendant. Tiens. Et oui. Il fait le malin, par étonnamment. Et là, donc, on pourrait imaginer que d'un seul coup, s'élevant, il voit d'en haut cette magnifique galaxie spirale dans laquelle nous sommes, nous, petits terriens. Sauf que, c'est comme vous dites, votre image est celle d'un élastique. Pof, on le ramène et on le fait redescendre à nouveau. Donc, il n'y a pas de chance qu'il reste en position. Malheureusement, non. Voilà. Je voudrais qu'on passe, avant de continuer ce meublement du monde absolument gigantesque, qu'on prenne cet exemple qui est intéressant à plus d'un titre, bien évidemment, souvent mal connu. Tout s'expanse. Et puis tout s'expanse de façon accélérée. Ça, c'est très récent. Oui. On croyait que le mouvement d'expansion de l'univers était uniforme. Oui. Et puis on s'est rendu compte, tiens, en regardant des supernovas, justement, exactement, qu'il y avait une accélération du mouvement d'expansion de l'univers permanent. L'expansion de l'univers. Bon. Oui. Donc tout se désassemble, tout s'éloigne, tout se désunit d'une certaine façon. Oui. Et voilà qu'une constellation d'Andromède, pour la nommer, magnifique nom. La encore. Galaxie d'Andromède, oui. Oui. Qui vient de rencontre. Oui. Alors, effectivement, il y a beaucoup... À contrario de l'expansion, elle vient nous visiter. Alors, vous dites beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Je vais dans l'ordre. L'énergie noire, effectivement, est une grande révolution. Il y a d'ailleurs les trois équipes du Supernova Cosmology Project ont eu le prix Nobel un peu plus tard. Et effectivement, ça consiste à dire que, ah tiens, depuis Hubble, on savait que toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Mais, a priori, on mesurait que elles s'éloignaient en fonction uniquement de leur distance, c'est-à-dire c'est une loi linéaire. Et en fait, on s'aperçut que non, il y a une accélération, oui. Il y a comme une dilution accélérée de la matière dans le cosmos. C'est bien pour la redondance, nous avons fait une émission spéciale concernant ça. Voilà. D'accord. Et donc, effectivement, il faut bien imaginer un ingrédient dans notre modèle, c'est depuis qu'on parle d'énergie noire, depuis 1998. Ensuite, donc, l'expansion, indépendamment même qu'elle soit accélérée, se joue à des échelles à partir de des échelles de 100 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que c'est le dézoom à partir duquel on peut voir que notre ballon, sur lequel on a passé nos points régulièrement de galaxies, lorsqu'on souffle dedans, eh bien, les galaxies donc s'étendent à cette échelle-là. Mais si on regarde à une échelle plus petite, la gravité contrebalance, et voire même domine. Et localement, effectivement, notre galaxie spirale, la Voie lactée, eh bien, se dirige tout droit vers la galaxie la plus proche, une galaxie spirale massive proche, qui s'appelle la galaxie d'Andromède, puisqu'elle se situe dans la constellation d'Andromède, dans le ciel, visible en ce moment en automne. Et donc, à l'orée de 3,5 milliards d'années, oui, une collision inéluctable aura lieu entre ces deux galaxies, qui n'est pas forcément si cataclysmique qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire certains disent que ça va se passer très calmement, tout le monde va se passer l'un à côté des autres. Les deux ensemble. C'est-à-dire que on n'imagine pas, vu la distance qui sépare chaque étoile, qu'il y ait des collisions d'étoiles entre même des centaines de milliards pourtant d'étoiles. Par contre, il peut y avoir des passages proches entre étoiles, oui, et ça pourrait très bien déclencher. On sait que les systèmes planétaires sont peuplés de plein de comètes dans leur périphérie. Ça pourrait déclencher des nuées, des trombes de comètes potentiellement ravageuses. Mais encore une fois, c'est dans entre 3,5 et 4 milliards d'années. Nous espérons tous que l'humanité aura essaimé suffisamment d'étoiles pour tenir, en tout cas de pas mettre... Ou qu'elle aura fait tellement, entre guillemets, de conneries que de toute Alors, façon, elle voilà. sera réduite à la portion fossile. Mais on va espérer la première malgré tout, je suis un optimiste. D'accord. Pour résumer, là encore, pour finir, le mouvement général, c'est la dispersion, c'est oui. l'expansion, et avec cette gravitation, qui est une force à portée diminuante, et qui donc devient de plus en plus faible selon la distance, c'est bien ça. Voilà, c'est la vue là, de la vue joue, dans ce cas, et ça contrarie l'expansion, et ça ramène. Absolument. Très bien. Alors, on va monter d'un cran. Il y a évidemment différents types de galaxies. Il y a les spirales, oui. Il y a celles qui sont franchement qui sont sphériques. Les elliptiques, on les appelle. Les elliptiques, oui. Alors dans les spirales, il y en a qui ont des barres, d'autres qui n'en ont pas. Voilà. Bon, et ensuite passons à l'échelle supérieure, c'est-à-dire du rassemblement d'étoiles. Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on tombe dans la notion de d'amas d'étoiles ? Dans les galaxies, il y a ce qu'on appelle des amas d'étoiles à l'intérieur même des galaxies, comme par exemple des amas globulaires qui sont des concentrations d'environ une centaine de milliers d'étoiles et qui d'ailleurs flottent. Ça doit être très beau d'habiter là-bas puisque ils flottent au-dessus d'une galaxie comme la nôtre, spirale, qui sont dans le volume, dans le halo, on appelle ça, dans le halo autour de notre galaxie. Et donc, ils voient notre galaxie, effectivement, en perspective. C'est-à-dire que, dans leur ciel, la nuit, ils voient une immense galaxie spirale, vue de face, c'est la Voie lactée. Par exemple, pour les amas globulaires qui sont dans la Voie lactée. Après, au niveau des galaxies, les galaxies, effectivement, se rassemblent en tribus grâce à la gravité. D'abord sous forme d'amas, c'est ce qu'on appelle des amas, et ensuite, les amas eux-mêmes sont encore à des échelles qui permettent de se rattacher, encore une fois, par gravité, et ce qu'on appelle des super-amas. Et après, on sait, depuis finalement pas très longtemps, qu'il n'y a pas de poupée russe supérieure, j'allais dire, pas de quatrième niveau. Oui. Il n'y a pas les super amas s'arrêtent. Supérieurs, oui. Voilà. D'accord. Et concernant, en tout cas, l'amas auquel nous appartenons, c'est l'amas local. Alors, le super amas de la Vierge. Disons que l'amas qui serait le plus proche pour nous, ça serait l'amas de la Vierge, qui est lui-même dans le super amas de la Vierge, puisque le centre de masse se situe dans la constellation de la Vierge, dans notre ciel. Est-ce que on peut désigner d'une autre façon ces plus grands rassemblements, en particulier, à un moment, vous en arrivez bien sûr à parler d'un mur. Alors, oui, c'est une chose particulièrement spectaculaire, relativement récente. Hein, le premier mur a été découvert en 1989. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mur de galaxie? C'est que donc les galaxies forment des sortes de tribus, un peu comme j'avais dit que les îles se rassemblaient d'abord en atoll et puis en archipel, et puis en... Et puis, donc en vaste structure, et bien c'est la même chose là, c'est que les superamas se relient, mais plus gravitationnellement, parce que là, les grands murs sont à des échelles comme si on dézoomait sur le cosmos, et là, on regarde à des échelles donc de 100 millions d'années-lumière, là où la gravité n'a plus cours, véritablement, ou en tout cas, elle est dominée par l'énergie noire, et malgré tout, les superamas s'alignent les uns aux autres, c'est-à-dire que si on regardait en perspective, on verrait des filaments. Et on parle de filaments de galaxie. Et lorsque le filament est face à nous, il a une structure plane, un peu comme un muret. Et c'est ce qu'on appelle des grands murs de galaxie. Mais véritablement, astrophysiquement, c'est plutôt des filaments. Les grands murs sont donc le plus proche est à 200 millions d'années-lumière. Et c'est encore le cosmos local pourtant. Et on l'appelle donc le grand mur de galaxie, historiquement. Mais il y a, donc c'est un grand mur, c'est donc une structure, là dans ce grand mur, il y a environ 60 000 galaxies pour situer les auditeurs. Mais on a trouvé, il y a 2 ans, un mur particulièrement impressionnant, qui pose pas mal de questions, impressionnant par sa taille, il fait près de 9 milliards d'années-lumière de longueur, il serait peuplé d'environ 2 millions de galaxies. Donc une structure titanesque qui flotte à environ 10 milliards d'années-lumière. Allez, vous donnez l'unité, d'ici. C'est combien l'année-lumière? Une année-lumière, c'est environ 15 000 milliards de kilomètres. C'est ça. C'est donc la distance parcourue par la lumière en un an. Dans l'astrophysique, là, quoi. Ah, c'est le chiffre astronomique par excellence. Oui, c'est exactement. Nous sommes dans un cosmos véritablement très vaste, hein, il faut en dire. Franchement vide. Aussi. Absolument. Totalement vide. C'est une déplétion complète de matière. Nous sommes vraiment, voilà, l'ensemble de la matière, les galaxies. Imaginez une petite goutte de lait et vous mettez ça dans une piscine et ça vous forme des filaments, des spécimens de lait. Ce sont les grands filaments de galaxies. Le reste, l'eau, c'est du vide. J'en cite une. Là, je reviens, je descends d'échelle, mais parce que je l'ai trouvée intéressante. C'est une elliptique, hein, mais je crois que c'est la plus grosse. Hein. Elle a pour... Oui, qu'on ait trouvé, oui, pour l'instant. Elle est charmante, elle cannibalise à partir de son centre dans l'amas Abel 29. Et donc, cette galaxie compterait 100 000 milliards d'étoiles. Un diamètre de 1,2 million d'années-lumière. Donc des très très gros objets. Donc l'idée, effectivement, c'était un peu de s'émerveiller devant des choses assez incroyables que la nature nous montre. Et en particulier, effectivement, cette galaxie elliptique, donc cette espèce de ballon de rugby. Là, en l'occurrence, il est relativement sphérique. D'ailleurs, une galaxie située à environ 1 milliard d'années-lumière de la nôtre, et qui effectivement est particulièrement massive, particulièrement monstrueuse, hein, puisqu'elle fait environ 15 fois le diamètre de notre Voie lactée. Et voilà, c'est un monstre. Oui, c'est vraiment la géante. Oui, tout à fait. C'est vraiment la géante. Alors si on regarde le chemin qu'on a fait, on est arrivé au terme, en tout cas, là. C'est le grand mur et les filaments. Le grand mur qui est autour de nous, il y a une redéfinition par une équipe franco-américaine récemment pour redéfinir un petit peu le superamas de la Vierge dans lequel nous appartenons. Et il repropose sous une étude des mouvements, de la dynamique des galaxies, d'agrandir ce superamas et pour l'appeler Laniakea, en hawaïen, grand horizon immense céleste. Donc voilà, c'est... Nous savons où nous sommes. Je veux dire, bien sûr, il n'y a pas de point privilégié dans le cosmos. Hein. Redisons que le Big Bang, par exemple, cette expansion a eu lieu en tout point. Chacun est le centre. C'est conceptuellement. Mais que nous, localement, si on devait donner notre adresse cosmique, nous dirions que nous habitons une planète autour d'une étoile jaune du bras d'Orion, de la galaxie Voie lactée. Dites-le le groupe local. C'est très joli. Reprenez, c'est très joli. Allez, je le redis lentement. Ce qu'on mettrait sur une carte postale. Ce qu'on mettrait sur une carte postale, on dirait Terre, Soleil, bras d'Orion, Voie lactée, groupe local, super amas de la Vierge, grand mur de galaxie. Ben voilà, ça c'était une carte postale à destination d'Emmanuel Morse-Duncan qui mettait cette émission en onde, là. Voilà, jolie adresse. Hein. Alors là encore, pour les chiffres qui font rêver, c'est que il y aurait donc, c'est un petit rappel, hein, dans la voûte céleste, elle contiendrait, vous dites par extrapolation, puisque de toute façon c'est des modèles numériques hein, qui ont donné ça, donc 300 milliards de grandes galaxies, 600 milliards de galaxies naines. Et puis il y a aussi, et là on va donc d'une certaine manière boucler la boucle de ce, de ce voyage, on va arriver sur les grands vides. Parce que tout à l'heure, on l'a dit vite, on a dit que par rapport à l'occupation de ce qu'on peut voir l'observable, il y avait beaucoup de grands déserts et peu de réalisations matérielles. Alors je trouve qu'effectivement une image très parlante pour donner un peu le côté de la rareté de l'ensemble de la matière visible dans l'univers, c'est qu'on peut compresser l'ensemble de toutes les centaines de milliards de galaxies qu'effectivement on imagine dans le cosmos, si on compressait toute la matière et qu'on collait tous les atomes un contre un, l'ensemble de tout le cosmos rentrerait entre le Soleil et Jupiter. Et donc ça veut dire que, hormis cela, donc dans cette espèce d'immense cube de neutrons ou de matière archi-condensée, eh bien il n'y a rien d'autre. Visible. Donc, effectivement, c'est l'image d'une, excusez-moi de la redonner, de cette goutte de lait dans un verre d'eau avec cet tout filament de galaxies. Tout le reste, c'est du vide. On a, effectivement, on observe des très grandes bulles, hein, de vide qui séparent ces grands filaments de super amas de galaxies, des bulles de taille typique de 100 à 150 millions d'années-lumière, dans lesquelles il n'y a pratiquement rien à part une ou deux galaxies de champ, comme on les appelle. Et voir, on a trouvé a priori un très grand vide dans la constellation de l'Éridan, un vide d'une taille caractéristique de 1 milliard d'années-lumière, dans lequel il n'y a pratiquement rien. L'Éridan en 2007, voilà. C'est bien ça. Hein. Et donc pour la boucle, c'est effectivement une sorte, des sortes de Sahara, voilà. On a toute une classification de désert cosmique. Voilà. Voilà. Alors, on va quand même revenir sur... ce qu'on peut observer lorsqu'on est couché, qu'on regarde les étoiles, évidemment la Voie lactée, cette espèce de trace de lait. Vous donnez plusieurs exemples théogoniques. Il y en a un que j'aime beaucoup, ça s'appelle le chemin pour les aborigènes, pour les pardon. Indiens d'Amérique du Nord. Oui. Non, les Indiens d'Amérique du Nord, mais je voulais pas, je voulais avant solliciter les ceux qui ont une langue à clic et qui habitent dans le désert du Kalahari, dont le nom m'échappe à l'instant. Les Bushmen. Les Bushmen, voilà. Langue à clic, c'est-à-dire qu'ils parlent comme ça, ils diraient continue. Non, science. Donc, ils sont rares sur la Terre, et pour eux, c'est un chemin. Alors, il y a un certain nombre de très belles mythologies. Alors, pour les Bushmen, j'en avais noté deux en particulier, qui étaient d'abord que les Bushmen considéraient la nuit comme un animal vivant, et que la Voie lactée, cette grande traînée blanche qui sépare le ciel en deux, serait pour eux une colonne vertébrale, l'échine de la nuit. C'est la première de leurs très jolies images. Et la deuxième très jolie image parle d'une jeune femme de la race originelle qui aurait lancé une brassée de cendres dans le ciel. Pardon, une brassée de cendres dans le ciel. Est-ce qui donnerait ça? Est-ce que vous en avez une autre? Parce que je vous avais proposé que l'on conclue, mais brièvement, nous avons que deux minutes. Oui, brièvement. Écoutez, je vais vous en prendre. Alors, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de très belles. Oui, tout à fait. Alors, je vais aller dans l'océanique. Je vais parler de la vision maori qui consiste à dire dans la tradition que la Voie lactée est un requin bleu mangeant des nuages. Et je peux aussi vous parler de celle maya qui consiste à associer, pour finir avec le thème animalier, que les mayas voient dans la Voie lactée un serpent blanc ocellé dont chaque écaille est une étoile et accessoirement un regard. Un regard. Un regard vers les hommes. Bon, ben on va retenir comme ultime terme ce mot de regard. On a regardé le Sahara qui vient des étoiles bleues. Oui. Jean-François Mécarta a écrit ce livre comme avec sous-titre « Merveilles du cosmos ». Le tout est publié aux éditions Fayard. Et nous voilà donc au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. Aujourd'hui, mais je l'ai déjà dit par l'envoi de cette carte postale, à la technique Emmanuel Morse-Duncan, pour la documentation Thierry Beauchamp, à la réalisation bien sûr Dany Journaud. Stéphane Denis-Georges. Continent Science et balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr. Vous avez ainsi la possibilité de télécharger cette émission le temps d'une grande année et de l'écouter 1000 jours. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Dans quelques instants, à 15h très exactement, vous allez retrouver Culture Musique. Il me reste, pour finir, à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture.